Faire du sport. Je ferai plus de sport. Manger des frites. Je mangerai moins de frites. 1. Manger des légumes. 2. Je mangerai plus de légumes. 2. Boire du café. Je boirai moins de café. 3. Mettre de l'argent de côté. Je mettrai plus d'argent de côté. 4. Être ponctuel. Je serai plus ponctuel. 5. Lire des romans français. Je lirai plus de romans français. 6. Être impatient. Je serai moins impatient.